Chapitre 6e. Et c'est ainsi que le stratagème fut élaboré. Il s'agissait ni plus ni moins que de transformer Augustine en fille enceinte avec un bon coussin sur le ventre et de lui faire jouer le rôle d'appât. Sa mère, contre son gré, lui apprit à prendre la démarche caractéristique des prégnantes qui semblent vouloir offrir en cadeau leur ventre à chaque personne qu'elles croisent. On la maquilla un peu pour lui faire prendre de l'âge et Kerr lui montra quelques astuces en cas d'agression. Je pense que l'agresseur devrait agresser par derrière, essayer de t'étouffer avec quelque chose. Un linge, une bourre de laine, enfin un truc dans ce genre. Je vais te montrer. Muni d'un coussin, Kerr se plaça derrière elle. D'une main, il lui plaça le coussin sur le visage, et de l'autre, il l'enserra ses bras pour qu'elle ne pût se défendre. « Voilà, tu as compris ? » dit-il en desserrant son étreinte. « Oui, et qu'est-ce que je fais après ? » ?»« Tu fais mine de te défendre pendant 3-4 secondes, et ensuite... tu te laisses complètement aller comme si tu t'étais évanoui. Tu devrais pouvoir tenir jusque-là. Viens, nous allons essayer. » Ils répétèrent le geste, mais Augustine lâchait prise trop tôt. « Ce n'est pas crédible. Essaie de compter jusqu'à 5 au moins. Et après, tu te lâches complètement. Viens, cette fois, je t'étouffe pour de bon. » Augustine était jeune et avait le cœur et les poumons en parfait état. Bientôt, le geste fut parfait. « Mais il a quand même étouffé, » se plaignit Augustine. « Je vais tomber dans les pommes, pour de bon. »« Non. Dès qu'il sentira que tu es évanoui, il arrêtera, car n'oublie pas qu'il sera pressé et certainement aux aguets. Dans un premier temps, il lâchera et tentera de t'achever par la suite. »« Vous plaisantez, là, j'espère. »« Mais entre-temps, avec ton père, nous l'aurons appréhendé. »« Que Dieu vous entende et vous guide, docteur, » intervint Mathilde, la mère qui se faisait un sang d'encre. Augustine allait loger chez Clémence, l'ancien béguin de Kerr, à deux pas de l'église, et se ferait passer pour une nièce de la femme. Elle devrait sortir fréquemment, surtout s'il y avait du monde sur la route. Kerr et Gouin espincheraient derrière les rideaux et ne devraient jamais perdre de vue la petite. Tout se passa donc comme prévu. Le samedi 2 décembre, Augustine arriva chez sa tante, soi-disant en provenance de Sisteron. Pour que le subterfuge passât mieux, la fausse tante dut présenter sa nièce, qui n'était jamais venue la voir, il est vrai, à ses voisines et amies. Ainsi, leur rendre visite fournissait à Augustine des prétextes à ses allées et venues. Kerr et Gouin entraient chez Clémence par une porte dérobée donnant sur un chemin traversier. Le dimanche 3, la neige se mit à tomber en abondance, accompagnée d'acides bourrasques. Augustine n'en continua pas moins ses sorties, mais sans résultat apparent. « Kerr, vous croyez que ça va marcher, notre affaire ? » ?»« Ne nous décourageons pas, Gouin. Ça ne fait que 3 jours à peine que nous avons commencé. Nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre. » cita le docteur. « Bien sûr, vous y trouvez votre compte, » rétorqua Gouin, en jetant un coup d'œil à Clémence, encore digne d'intérêt. « Mais pensez à ma fillette qui se gèle et qui crève de trouille. »« Allez, Gouin, » s'exclama Kerr en prenant le maire par les épaules, « il faut y croire, sinon. S'il ne s'est rien passé d'ici le 6, alors je vous laisserai m'agonir, si vous voulez. » Le mardi 5, le temps se dégagea et un ciel d'un bleu intense égaya le paysage, le soleil faisant naître des myriades de diamants sur la neige. La température se radoucit. « Tu vois ?» dit Kerr à Gouin, les deux compères ayant fini par se tutoyer. « Même le temps est avec nous, espère. » Néanmoins, vers 4 heures, lorsque le soleil déclina du côté du Lauzet, l'espoir commença à décliner. Chacun des 4 occupants de la maison s'occupait comme il pouvait. Augustine préparait une tourte. Clémence ravaudait et les deux compères lisaient de vieux journaux en jetant un coup d'œil sur la route, de temps à autre. Soudain, Gouin s'écria. « Tine, sors. Je vois une tache sombre là-bas sur la route. Je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur la route? Je vais pas rester planté au beau milieu du chemin. Bon, d'accord, mais tiens-toi prête. » Là-dessus, l'obscurité gagna totalement la campagne, mais la lune permit bientôt de distinguer vaguement l'aspect des lieux. Gouin s'aperçut que la chose s'était rapprochée. « Tiens, dit Clémence, va jeter ces cendres au coin de la maison, ça te donnera une contenance. » Augustine s'entortilla dans son châle et sortit avec son seau après avoir fermé la porte. Pendant qu'elle était penchée en avant à secouer le récipient, elle perçut des craquements de pas dans la neige. Elle allait crier à l'intérieur « Non, c'est rien, ça va !» quand une tenaille de fer l'enserra fortement. Elle sentit sur son visage un fouillis de poils qui l'étouffait. Après une fraction de seconde d'affolement, elle se souvint des gestes répétés avec le docteur. Malgré ses poumons en feu, elle compta jusqu'à 5 en se débattant, comme prévu. Elle sentait contre son oreille un souffle puissant et fétide, comme celui d'une bête. Enfin, elle se laissa couler entre les bras de la tenaille, en priant Dieu que l'agresseur desserra son étreinte comme l'avait imaginé Kerr. Le geste d'Augustine surprit tellement son agresseur qu'elle glissa entre ses bras et s'affaissa sur le sol, à moitié évanouie, pour de bon. Elle s'attendait à ce qu'il la saisît de nouveau quand tout se brouilla. Dans la quasi-obscurité, difficile de savoir ce qui se passait. Elle entendit des cris, on lui marcha sur la main, elle reconnut la voix de Kerr et celle de son père. Les deux hommes, haletants, avaient attendu le moment propice déterminé par Kerr. Dès qu'ils perçurent le corps d'Augustine à terre, Kerr s'approcha et décocha un puissant coup de poing entre les épaules de l'agresseur. Le souffle coupé, projeté vers l'avant, celui-ci reçut sur la nuque un furieux coup de bâton de la part de Gouin. Augustine en profita pour s'échapper. L'agresseur se releva tout de même en titubant et tenta de s'éloigner alors qu'un malencontreux nuage venait de masquer la lune. « Où t'es, salaud? Viens, viens, montre-toi » hurlait Kerr. Tout à coup, une puissante déflagration déchira le silence de la nuit et une grêle de projectiles cingla la façade de la maison. Une plainte se fit entendre, dans laquelle on reconnut la voix de Gouin. « C'est rien » cria-t-il, « juste l'oreille, attrape-le, Toubib !» Dans le noir, Kerr ne percevait qu'une masse sur laquelle il se jeta et qu'il terrassa dans son élan. « Lumière, lumière, nom de Dieu !» rugit Gouin. Clémence, toute tremblante, sortit de la maison avec une lampe tempête à la mèche haut levée. Augustine et Kerr s'étaient relevés et tous les quatre eurent la surprise de reconnaître dans l'agresseur la colporteuse, allongée par terre et respirant péniblement. En éclairant mieux la scène, on reconnut sa charrette que l'on n'avait pas vue dans le noir. L'âne semblait ne rien avoir entendu. On aurait dit qu'il dormait debout. On trouva également à terre une peau de mouton à poils longs avec laquelle la colporteuse avait tenté d'asphyxier Augustine. La femme ne manifestait aucune volonté de fuite. Kerr lui lia promptement les poignets avec une lanière de cuir. Quelques voisines, attirées par le bruit de la détonation, accoururent. Kerr fit signe à Clémence de baisser la lumière de la lampe. « Ce n'est rien. Ce n'est rien, » dit Kerr. « On a tenté de la dévaliser. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. » Il aida la femme à se relever et la poussa dans la maison de Clémence. Quant à Gouin, un mouchoir sur l'oreille, il tira l'âne dans la remise voisine.